إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc avant de commencer le cours sur Kitab al-Tawhid, j'aimerais revenir sur un point important, à savoir une erreur que j'ai commise dans la conférence intitulée Le Takfir, entre tentation et ambiguïté. Donc, dans cette conférence qui avait pour but de citer les ambiguïtés de ceux qui, à tort, excommunient les musulmans sans se baser sur les preuves authentiques, sans se baser sur la compréhension saine du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Dans cette conférence, j'avais énuméré un certain nombre d'ambiguïtés et j'avais répondu à chacune d'entre elles selon ce qu'Allah Azza wa Jal m'avait permis à l'époque. Durant cette conférence, j'ai fait une erreur sur le sujet de l'insulte, le fait d'insulter Allah ou d'insulter son prophète sallallahu alayhi wa sallam ou d'insulter la religion. Que celui qui insulte Allah sans le penser et qui vient s'excuser, que ces excuses sont acceptées. Parmi également ce que j'ai dit, et que celui qui dit des paroles comme celle-ci, c'est-à-dire qui insulte Allah ou son prophète ou la religion, en ne les pensant pas, que ces excuses sont acceptées. Et parmi les paroles également que j'ai dites, une personne qui a dit de telles paroles sans les penser, sort-il de l'islam ou non ? Donc une personne qui dit de telles paroles, à savoir qui insulte Allah, son prophète ou son envoyé, sans les penser, sort-il de l'islam ? Et j'ai répondu non, il ne sort pas de l'islam car il ne les pensait pas. Donc le fait de dire de telles paroles concernant le sujet extrêmement grave qui est le sujet de l'insulte, d'insulter Allah, d'insulter son prophète ou d'insulter la religion, qui est une chose extrêmement grave, qui fait partie des annulatifs de l'islam, qui fait partie de nawaqid al-islam, et ceci à l'unanimité des savants. Et celui qui insulte Allah Azza wa Jal, qu'il soit sérieux ou qu'il le fasse en plaisantant, eh bien, dans tous les cas, il sort de l'islam. Et il y a un détail, il y a des précisions à donner. Et Inch'Allah ta'ala, je vais vous citer une des réponses que j'ai trouvées les plus explicites et les plus détaillées dans ce sujet parmi nos savants contemporains, qui n'est autre que Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, qui a été questionné à ce sujet et qui a répondu de façon très précise, rahimahullah ta'ala. Et ces paroles de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, c'est ma position actuelle. Donc ce que j'ai pu dire concernant ce sujet dans cette conférence, eh bien, je reviens sur ces paroles et je demande à Allah Azza wa Jal de me pardonner. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Kullu bani adama khatta wa khayrul khatta'ina at-tawabun » Tous les fils d'Adam font des erreurs et le meilleur de celui qui fait des erreurs sont ceux qui se repentent et reviennent sur leurs erreurs. Il ne sert à rien de persister dans l'erreur et dans le faux. Au contraire, le musulman se doit de suivre la vérité. Lorsqu'il s'est trompé, eh bien, il se doit de revenir dès que possible sur son erreur. Et Allah est témoin que je voulais faire cet éclaircissement sur cette erreur avant mon voyage il y a quelques jours en Arabie, mais Allah Azza wa Jal a décidé que la veille du départ, que je sois brièvement hospitalisé. Donc l'occasion m'est donnée maintenant, je la saisis sans hésiter suite à à l'alerte que m'ont fait certains frères, qu'Allah les récompense, qui m'ont fait part de cette erreur. Je les ai donc remerciés et je leur avais dit que j'allais, dès que possible, le plus vite possible, faire un éclaircissement et bien sûr retirer ces paroles de cette conférence. Taïb, la question qui a été posée à Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, et ceci c'était lors de l'émission Nour ala Darb, une émission radio qui est toujours existante à notre époque où de nombreux savants sont invités et auxquels sont soumis les questions des auditeurs. La question. السؤال يقول إذا صدر من مسلم سب للدين ليس عامدا بل سبق لسان ومن قبيل ما يسمى باللغو فهل يؤاخذ على ذلك أم يدخل تحت قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وإن لم يكن داخلا فما معنى هذه الآية إذن. Donc la question est, lorsque un musulman profère une insulte à l'égard de la religion, mais qu'il ne le fait pas de façon volontaire, mais lorsque sa langue a fourché. Il n'a pas insulté la religion de façon volontaire, mais sa langue a fourché. Est-ce que la personne ses paroles seront prises en compte? Ou est-ce qu'elle entre dans la parole d'Allah Azza wa Jal, la yu'akhidhukum Allahu billahu fi aymanikum? Ce n'est pas pour les expressions gratuites dans vos serments qu'Allah vous saisit. C'est-à-dire qu'Allah vous prend et prend en compte ses paroles. Et si il n'entre pas dans ce verset, quelle est alors la signification de ce verset? La réponse du Cheikh rahimahullah. من سب دين الإسلام فهو كافر سواء كان جادا أو مازحا حتى وإن كان يزعم أنه مؤمن فليس بمؤمن وكيف يكون مؤمنا بالله عز وجل وبكتابه وبدينه وبرسوله وهو يسب الدين كيف يكون مؤمنا وهو يسب دينا قال الله فيه ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تعالى فيه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال الله فيه إن الدين عند الله الإسلام كيف يكون مؤمنا من سب هذا الدين ولو كان مازحا إذا كان قد قصد الكلام فإن من سب دين الإسلام جادا أو مازحا فإنه كافر كفرا مخرجا عن الملة عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. Donc il dit, rahimahullah, que celui qui insulte la religion musulmane est un mécréant, qu'il insulte de façon sérieuse ou en plaisantant, même s'il prétend qu'il est croyant. Même s'il prétend être croyant, il n'est pas croyant. Comment peut-il être croyant en Allah, en ses livres, en sa religion, en son prophète, alors qu'il insulte la religion? Comment peut-il être croyant alors qu'il insulte une religion sur laquelle Allah Azza wa Jalla a dit « Et j'agrée pour vous l'islam comme religion ». Une religion sur laquelle Allah Azza wa Jalla a dit « Et celui qui prend comme religion autre que l'islam, rien ne sera accepté de lui ». Une religion dans laquelle Allah Azza wa Jalla dit « La religion chez Allah, c'est l'islam ». Comment peut-il être croyant, celui qui insulte cette religion, même s'il plaisante, lorsqu'il veut dire cette parole, il a qasad al-kalam, lorsqu'il veut dire ces paroles. Et le Cheikh rahimahullah va expliquer dans les détails par la suite. Celui qui insulte la religion musulmane, qu'il soit sérieux ou en plaisantant, est un mécréant qui sort de la religion musulmane. Et il se doit de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yaqul rahimahullah. وسب الدين مازحا أشد من سبه جادا وأعظم ذلك لأن من سب شيئا جادا وكان هذا السب واقعا على هذا الشيء فإنه لا يكون عند الناس مثل الذي سبه مازحا مستهزئا وإن كان فيه هذا الشيء والدين الإسلامي والحمد لله دين كامل كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وهو أعظم منة من الله بها على عباده كما قال تعالى وأتممت عليكم نعمتي. فإذا سبه أحد ولو مازحا فإنه يكفر، فعليه أن يتوب إلى الله ويقلع عما صنع وأن يعظم دين الله عز وجل في قلبه حتى يدين الله به وينقاد لله بالعمل بما جاء به بما جاء في هذا الدين. Puis il dit, rahimahullah, que le fait d'insulter la religion en plaisantant est pire que d'insulter la religion en étant sérieux. Car celui qui insulte une chose en étant sérieux et que cette chose est présente dans ce qu'il insulte, eh bien, la réaction ne sera pas la même chez les gens lorsque l'on les insulte en plaisantant et en dénigrant, même si cette chose est présente chez eux. Et cela est connu. Quelqu'un qui t'insulte en étant sérieux et quelqu'un qui t'insulte en plaisantant et en voulant te dénigrer, eh bien, le deuxième est beaucoup plus grave. Puis il dit, rahimahullah, et la religion musulmane, wallahi alhamd, est une religion complète. Allah Azza wa Jalla dit, aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. Et l'islam est le plus grand bienfait à travers lequel Allah Azza wa Jalla comble ses serviteurs. Comme il le dit Azza wa Jalla, wa atmamtu alaykum ni'mati, et je vous ai comblé de mon bienfait, c'est-à-dire à travers cette religion. Celui donc qui insulte la religion, même en plaisantant, mécroit, et il se doit de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et d'arrêter ce qu'il a fait et d'immensifier la religion d'Allah Azza wa Jal, que la religion d'Allah Azza wa Jal est une immense place dans son cœur afin de se soumettre à Allah Azza wa Jal à travers les actes que cette religion nous encourage et nous enjoint à faire. ثم يقول أما شيء سبق على لسانه بأن كان يريد أن يمدح الدين فقال كلمة سب بدون قصد بل سبقا على اللسان فهذا لا يكفر، لأنه ما قصد السب بخلاف الذي يقصده وهو يمزح، فإن هنا قصدا وقع في قلبه فصار له حكم الجاد. أما هذا الذي ما قصد ولكن سبق على اللسان فإن هذا لا يضر، ولهذا ثبت في الصحيح في قصة الرجل الذي كان في فلاة فأضاع راحلته وعليها طعامه وشرابه فلم يجدها، ثم نام تحت شجرة ينتظر الموت فإذا بناقته على رأسه فأخذ بزمامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح فلم يؤاخذ، لأن هذا القول الذي صدر منه غير مقصود له بل سبق على لسانه فأخطأ من شدة الفرح. فمثل هذا لا يضر الإنسان لأنه ما قصده. Puis il dit, rahimahullah, quant au fait que la langue fourche, c'est-à-dire lorsque la personne dit une parole, mais ce n'est pas ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire sa langue, il a précédé sa langue ou sa langue a fourché, comme on le dit en français. Lorsque la langue fourche, et le cheikh donne un exemple concret, lorsqu'il veut complimenter la religion, mais il dit une parole d'insulte. Donc lui, il veut complimenter la religion, mais sa langue fourche et au lieu de complimenter et de faire des éloges de l'islam, il insulte. Sans le penser, sans le vouloir, sans le vouloir, bidoun qasd, mais parce que sa langue a fourché, celui-ci ne m'écroit pas. Car il n'a pas voulu l'insulte, contrairement à celui qui veut l'insulte en plaisantant. Contrairement à celui qui recherche l'insulte en plaisantant. Le fait de rechercher l'insulte en plaisantant, il y a ici une volonté qui est présente dans le cœur. Celui qui insulte la religion en plaisantant, il y a une volonté qui est présente dans le cœur, il a alors le même jugement que celui qui insulte en étant sérieux. Quant à celui qui ne voulait pas dire ces paroles, mais dont la langue a fourché, celui-ci, ces paroles ne lui causent pas de mal. Et c'est pour cela qu'il est rapporté dans le hadith authentique, dans l'histoire de cet homme qui était dans un désert et qui a perdu sa monture, dans laquelle il y avait sa nourriture et sa boisson, et il l'a cherchée sans la retrouver. Puis il s'est endormi sous un arbre, en attendant que la mort vienne à lui. Et c'est alors que sa chamelle était présente au niveau de sa tête. Il a alors saisi sa monture par les rênes et a dit « Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur ». Il s'est trompé à cause de l'immense joie qu'il avait de retrouver sa monture. Falam yu'akhav, il n'est pas pris, ses paroles ne sont pas prises en compte, car ses paroles ne sont pas voulues, mais c'est sa langue qui a fourché, il s'est trompé à cause de l'immense joie qu'il l'avait envahie. Donc ceci ne porte pas préjudice à la personne, car il ne voulait pas dire ces paroles. Puis il dit, rahimahullah, فَيَجِبُ أَنْ نَعْرِفَ الْفَرْقَ بَيْنَ الْقَصْدِ وَعَدَمِهِ يَجِبُ أَنْ نَعْرِفَ الْفَرْقَ بَيْنَ قَصْدِ الْكَلَامِ وَعَدَمِ قَصْدِ الْكَلَامِ لَيْسَ بَيْنَ الْقَصْدِ السَّبْ وَعَدَمِ قَصْدِهِ لِأَنَّ هُنَا ثَلَاثَةُ مَرَاتِبُ الْمَرْتَبَةُ الْأُولَى أَنْ يَقْصُدَ الْكَلَامَ وَالسَّبَّ وهذا فعل الجاد كما يصنع أعداء الإسلام بسب الإسلام الثاني أن يقصد الكلام دون السب بمعنى يقصد ما يدل على السب لكنه مازحا غير جاد فهذا حكمه كالأول يكون كافرا لأنه استهزاء وسخرية. Puis il dit رحمه الله, nous devons connaître la différence entre le fait de vouloir une parole, vouloir dire une parole et ne pas vouloir la dire. Nous devons connaître la différence entre vouloir une parole et ne pas la vouloir. Il dit, rahimahullah, car il y a trois niveaux, ou il y a trois cas. Le premier cas, le fait de vouloir la parole et l'insulte. Le fait de vouloir la parole et l'insulte. Et ceci est ce que font ceux qui insultent la religion en étant sérieux, comme le font les ennemis de l'islam lorsqu'ils insultent l'islam. Ils le font de façon voulue et de façon sérieuse. Ils ne plaisantent pas quand ils insultent l'islam. Athani, le deuxième cas, il veut les paroles, mais ne veut pas insulter. C'est-à-dire, يَقْصِدُ مَا يَدُلُّ عَلَى السَّبْ لَكِنَّهُ مَزِحَ. C'est-à-dire que les paroles qu'il dit, il recherche ce qui a la signification d'insulter, mais en plaisantant. بِمَعْنَا يَقْصِدُ مَا يَدُلُّ عَلَى السَّبْ لَكِنَّهُ مَزِحَ. C'est-à-dire qu'il veut, donc les paroles qu'il a dit, il les a dites réellement, donc il a voulu les dire, mais en plaisantant. Il a voulu les dire, mais en plaisantant. Il dit, rahimahullah, فَهَذَا حُكْمُهُ كَالْأَوَّلِ Celui-ci, son jugement est comme le premier. Il est mécréant car ceci est de la moquerie et de la raillerie. الْمَرْتَبَةُ الثَّالِثَةَ أَلَّا يَقْصُدَ الْكَلَامَ وَلَا السَّبِّ وَإِنَّمَا يَسْبِقُ لِسَانَهُ فَيَتَكَلَّمُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى السَّبِّ دُونَ قَصْدٍ إِطْلَاقًا لا قصد الكلام ولا قصد السب فهذا هو الذي لا يؤاخذ به وعليه يتنزل قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم فإنه هو قول الرجل في عرض حديثه لا والله وبلا والله يعني ما قصد فهذا لا يعتبر له حكم اليمين المنعقدة فكل شيء يجري على لسان الإنسان بدون قصد فإنه لا يعتبر له حكم وقد يقال إن الإنسان قد قال في حديثه لا والله وبلا والله إنه قصد اللفظ لكن ما قصد عقد اليمين فإذا كان هذا فإنه يفرق بين حكم اليمين وبين الكفر فالكفر ولو كان غير قاصد للسب يكفر ما دام قصد الكلام واللفظ. Le troisième point, le troisième cas. Donc on a dit le premier cas, celui qui veut, qui a voulu dire les paroles et qui a voulu insulter. Donc celui-ci sort de l'islam. Le deuxième cas, celui qui a voulu dire des paroles, mais des paroles qui ont le sens de l'insulte, mais il a dit cela pour plaisanter. Il a dit cela pour... Il n'était pas sérieux. Celui-ci, son jugement est le même que le premier. Le troisième cas, celui qui ne voulait ni dire les paroles et qui n'a pas voulu également insulter. Donc ni l'un, ni l'autre. Celui-ci, c'est cette personne-là dont les paroles ne sont pas prises en compte. Dont les paroles ne sont pas prises en compte, et c'est lui dont la parole dont fait référence la parole d'Allah Azza wa Jal, la yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum. Ce n'est pas pour les expressions gratuites dans vos serments qu'Allah vous saisit, c'est-à-dire qu'Allah vous prend en compte. Et Cheikh Al-Uthaymin dit, en donnant un exemple des paroles qui entrent dans ce verset, comme une personne qui, dans ses paroles, dans sa phrase, dans les paroles qu'il dit, il dit « La wallahi wa bala wallahi ». Il dit « Non par Allah ». Dans sa parole, il parle, il dit « Non par Allah ». Où il dit « Bien sûr, par Allah ». Ici, est-ce que c'est considéré comme un serment ou pas ? Il n'a pas voulu jurer. Mais quand il parlait, quand il racontait ce qu'il racontait, il dit, pendant ses paroles, « Non par Allah » ou « Bien sûr, par Allah ». Sans vouloir jurer. Ici, Cheikh Al-Uthaymin dit, « يعني ما قصد هذا ». Il n'a pas voulu jurer, mais il a dit « Oui, par Allah ». Ou non par Allah, mais il n'a pas voulu jurer. Il dit, rahimahullah, yu'tabaru lahu hukm al-yamin al-mun'aqida. Celui-ci, ses paroles ne sont pas considérées comme un serment qu'il a fait. Ce n'est pas un serment qu'il a fait. فَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي عَلَى لِسَانِ الْإِنسَانِ بِدُونِ قَصْفَ إِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ لَهُ حُكْمٌ. Car toute chose que la langue profère et qui n'est pas voulue n'a pas de jugement. Puis, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, comme dans ses habitudes, rahimahullah, pose une problématique en disant, si une personne vient nous dire, mais cette personne a dit la wallahi, elle a dit bien sûr par Allah, elle a dit non par Allah, donc elle a dit la parole, elle a voulu dire des paroles, mais elle n'a pas eu l'intention de jurer. D'accord ? Or, le deuxième cas qu'on a cité, c'est quoi ? C'est celui qui voulait dire les paroles, mais en plaisantant. Et celui-ci, on a dit qu'il sort de l'islam. Donc ici, une personne pourrait dire, d'accord, mais si vous dites ça pour les serments, cette personne, elle a dit, la wallahi. Et le cheikh dit, فَإِذَا كَانَ هَذَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ حُكْمِ الْيَمِينِ وَحُكْمِ الْكُفْرِ. Dans ce cas, on sépare entre le jugement du serment et le jugement de la mécréance. Autrement dit, le jugement de celui qui insulte Allah, son prophète ou sa religion. Lorsque tu dis « La wallahi, wa bala wallahi » dans ta parole sans vouloir jurer, ici, ce n'est pas considéré comme un serment. Cela concerne les serments. Quant au fait d'insulter Allah, d'insulter le prophète ou d'insulter la religion, il dit فَالْكُفْرُ وَلَوْ كَانَ غَيْرُ قَاصِدٍ لِلسَّبِّ. Concernant la mécréance, même s'il n'a pas voulu insulter, c'est-à-dire même à partir du moment où il a voulu dire les paroles, ce n'est pas la langue qui a fourché. Ta langue, elle n'a pas fourché. Ce que tu as dit, tu l'as dit en connaissance de cause. C'est ces paroles-là que tu as voulu dire et tu les as dites. Ce n'est pas ta langue qui a fourché. Lorsque tu dis des paroles où tu insultes Allah, son prophète ou sa religion, même si tu n'avais pas l'intention d'insulter, alors la personne mécroît à partir du moment où les paroles sont voulues, où les paroles ont été dites de plein gré et en tout état de cause. Donc ceci est le tafsil dans cette mes'ala, qui est un sujet extrêmement grave, extrêmement dangereux, auquel les musulmans et les musulmanes doivent faire extrêmement attention, notamment dans certains pays où des formules où il y a l'insulte de la religion. Mais ça fait partie du langage, entre guillemets, de ce pays. Et les personnes les disent sans vouloir le sens. Elles disent ces paroles sans vouloir le sens. Mais elles les disent, parce que ça fait partie des, entre guillemets, des expressions. Les savants disent, même dans ce cas, la personne mécroît. Car on ne plaisante pas avec la religion. Aux gens de purifier leur langage, aux gens de se conformer aux ordres d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. À partir du moment où les paroles sont dites et elles ont été voulues, même si le sens n'est pas voulu, concernant al-kufr, concernant l'insulte d'Allah, de son prophète et de sa religion, eh bien cela n'est pas une excuse. Allah Azza wa Jal dit لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Les savants ont dit que ces personnes avaient la foi. قد كفرتم بعد إيمانكم. Ils avaient la foi et ils ont mécru à cause de ces paroles qu'ils ont dites, notamment à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Nous n'avons jamais vu de gens avec des ventres aussi gros et aussi lâches lors du combat. Et on l'a vu dans l'explication de Kitab al-Tawhid, lorsque ce compagnon radiallahu anhu a entendu ces personnes dire ces paroles, il a dit « Je vais en informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Il est parti et qu'est-ce qu'il a constaté ? Que la révélation l'avait précédé et qu'Allah Azza wa Jalla avait déjà révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam ce que ces personnes avaient dit. Et lorsque ces personnes sont parties voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit « Oh envoyé d'Allah, nous ne voulions pas dire cela ». Mais c'était des paroles que l'on disait afin de faire passer le chemin, afin que le voyage passe vite. D'accord ? نَقْطَعُ بِهِ عَنَا الطَّرِيقِ. Car lorsque tu discutes, et à l'époque, lorsqu'ils voyageaient, ils chantaient des vers de poésie, ils occupaient leur temps par des paroles, etc., pour que le voyage passe et pour que les difficultés du voyage ne se ressentent pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les regardait pas, ne se tournait pas vers eux, et se contentait de dire « La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum » « Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après votre foi. » « Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après votre foi. Donc voilà, c'était le sujet. Donc le fait que j'ai dit dans la conférence, une personne qui a dit de telles paroles sans les penser, sort-elle de l'islam, oui ou non ? La réponse est oui. Or, moi, j'ai dit non. Car le fait qu'il ait dit ces paroles et que ce n'est pas sa langue qui a fourché, même s'il ne les pense pas, eh bien, il sort de l'islam, wal'iyadu billah. Et juste une dernière information concernant ce sujet, il y a une autre exception, celui qui est contraint, al-ikrah. Celui qui est contraint. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Et Cheikh al-Fawzan, rahimahoufidhaullah, dans son explication de Kitab al-Tawhid, non pas le mulakhas que l'on fait, mais I'anatul Mustafid, dans un autre livre, I'anatul Mustafid, il dit, rahimahoullah, il dit, hafidhaullah, من استهزا بشيء من هذه الأشياء فما حكمه؟ Celui qui plaisante sur une de ces choses, quel est son jugement? Sur une de ces choses, ici, en parlant d'Allah, de son prophète et de la religion. فما حكمه؟ أنه يرتد عن دين الإسلام لأن هذا من نواقض الإسلام بإجماع المسلمين. Son jugement est qu'il apostasie, qu'il sort de l'islam, car ceci fait partie des annulatifs de l'islam à l'unanimité des musulmans. Sawa'un kana jaddan aw hazilan aw mazihan, qu'il soit sérieux ou qu'il plaisante. Haythu lam yastathni Allah illa al-mukrah. Allah Azza wa Jalla n'a fait exception que de celui qui est contraint. Celui qui est contraint. Et il cite la parole d'Allah Azza wa Jalla, man kafara billahi min ba'di imanihi إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. La parole d'Allah Azza wa Jal, selon le sens, quiconque renie Allah après avoir mécru, sauf celui qui a été contraint, alors que son cœur demeure plein de sérénité de la foi. Alors que son cœur est apaisé par la foi. Mais il a dit cela par contrainte. Soit parce que l'on le menace de mort, soit tu dis une parole de mécréance, ou soit je te tue, ou je tue ta femme, ou je tue tes enfants. Donc ici, dans les situations où la personne elle est forcée, de force majeure, où la personne elle est forcée, elle est mukraha, c'est-à-dire tu fais une chose à contre-cœur. Ton cœur est plein de foi, mais on te contraint de dire une parole de mécréance. Dans ce cas, eh bien, cela est une exception et la personne ne sort pas de l'islam, même si il a voulu dire les paroles sans les penser. Mais il les a dit car on l'a forcé à le dire. Donc voilà l'éclaircissement que je voulais faire à ce sujet. Donc c'est indéniable, c'est une erreur de ma part. Je reviens donc dessus, inshallah ta'ala, et je demande à Allah Azza wa Jal de me pardonner cette erreur et de nous raffermir, de me raffermir ainsi que vous et tous les musulmans dans l'islam et la sunna. Et ceci jusqu'au dernier de nos souffles, incha'Allahu ta'ala. Et bien sûr, la partie sera effacée dès ce soir sur la conférence et incha'Allahu ta'ala, cet éclaircissement sera mis en ligne dès ce soir également, afin de s'empresser à diffuser le bien. Et j'enjoins toute personne à faire de même et à n'avoir aucune gêne de reconnaître ses torts, de reconnaître ses erreurs. Le musulman ne doit pas avoir de gêne de reconnaître ses erreurs. Au contraire, cela est pour lui un moyen à travers lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'élève. Tu fais une erreur, tu reviens. Surtout lorsque tu es un prêcheur, lorsque tu appelles à la religion d'Allah Azza wa Jal, lorsque les gens t'écoutent, lorsque les gens apprennent leur religion à travers tes enseignements ou tes audios ou tes traductions ou autres, lorsque tu fais une erreur et que un certain nombre de personnes sont susceptibles d'avoir entendu cette erreur et de l'avoir considérée comme étant la vérité, eh bien il est un devoir de revenir et de faire un éclaircissement, chose que l'on a fait. Walillahi alhamd. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad.